Ça, c'est un morceau qu'on fait pour Catherine. Catherine, c'est quelqu'un qu'on nous avons décidé de lui porter un hommage ce soir en interprétant une de ses compositions, sa chanson, devant vous ce soir. Il voulait pas qu'on l'aime, et il voulait pas qu'on l'aime, et il a...